Le magazine d'archéologie de France Culture ouvre ce soir le dossier de la magie, de la divination. Et c'est au cœur de l'Afrique de l'Ouest, dans l'ancien empire du Dahomey, que nous plongerons dans un univers animiste, le vaudou. Vaudou, c'est bien entendu le titre français d'un film de Jacques Turner, sorti en 1943 à la RKO et intitulé « J'ai marché avec un zombie » dans sa version américaine. Mais quittons les Caraïbes. Notre histoire pourrait commencer sur le vol AF-804 en direction de Cotonou, durant lequel une hôtesse raconte à mon invité qu'elle reçoit des appels de l'au-delà, ceux d'un proche défunt, sans pouvoir décrocher ni éteindre son téléphone. On le sait, certains numéros de mobile provoquent la mort subite. Mais dans le vaudou, la mort ne s'avère en rien une fin. Ce soir, mon invité est un initié, Philippe Charlier. Bonsoir. Bonsoir Vincent. Désormais célèbre paléopathologiste et archéologue, vous venez de publier un ouvrage dans les pas de Georges Balandier, Pierre Clastre, Georges Condominas ou Claude Lévi-Strauss. Un nouveau volume de la prestigieuse collection Terre humaine aux éditions Plomb, Vaudou, l'homme, la nature et les dieux. Philippe Charlier, l'histoire de l'avion vers Cotonou paraît édifiante. Le vaudou permet d'avoir plusieurs vies car la réincarnation s'opère toujours dans un corps humain. Plus qu'avoir plusieurs vies, c'est surtout une seule vie qui s'égrène d'existence en existence. Et surtout, c'est l'idée que, dans le vaudou, la mort n'est pas une fin, vous l'avez dit. C'est que les morts sont encore bien présents au milieu des vivants. Et quand on fait de l'archéologie en territoire vaudou, eh bien, on peut presque explorer sa propre vie ou les autres vies de ceux qui nous entourent. On travaille sur vraiment la ligne continue des vivants et des morts. C'est une étrange archéologie. C'est presque à la frontière entre l'archéologie et l'anthropologie. On ne sait pas très bien sur quelle période on travaille. Le temps est vraiment continu. Il est presque d'ailleurs circulaire dans le vaudou. Alors qu'est-ce que le vaudou au Bénin? Une religion animiste? Une clé pour l'au-delà représentée par environ 200 divinités, mais sous l'égide d'un seul dieu? C'est très compliqué de définir le vaudou, c'est pas une question facile. Le vaudou, c'est une religion où il y a vraiment un individu créateur, une entité créatrice, qui très vite s'est retirée. Et elle a laissé un petit peu partout des forces, des éléments naturels, qui sont des sortes de cristallisation, d'agglomération, vraiment d'accumulation d'énergie, de force, etc., qui ont des aspects très divers. Mamiwata pour l'eau salée, par exemple, goût et autres, et puis des intercesseurs aussi entre les humains et ces entités quasiment divines. Par exemple, l'Egba, qui est un peu l'équivalent d'Hermès et qui sert d'intermédiaire, de transmetteur d'informations. J'ai envie de dire que chaque village, chaque ville, chaque agglomération a même ses propres dieux locaux. Donc c'est difficile de définir le Bénin. Ce qui est sûr et certain, c'est que ce n'est pas une sorcellerie, c'est vraiment une religion à part entière, doublée d'une culture. Donc c'est vraiment sur un pied d'égalité avec le catholicisme romain, avec le calvinisme, l'hindouisme ou que sais-je encore. Donc des religions qui ont piliers bien implantés, qui ont pignon sur rue. C'est une religion qui est très très bien organisée, mais avec beaucoup de variations d'un lieu à un autre lieu. Un dieu, par exemple, peut avoir une représentation dans un village et une représentation complètement différente, une façon de le prier et, pour nous, de lui faire des offrandes complètement différentes à 4 ou 5 kilomètres à côté. On doit parler d'une religion animiste. Alors on peut en parler, oui, notamment. En tout cas, l'idée du vaudou, c'est que très peu de choses, pour ne pas dire rien, n'est inerte. Il y a une âme, il y a une animation, il y a une énergie, et donc il y a une possibilité de capter cette énergie ou au contraire de la repousser dans quasiment tout ce qui nous entoure. Dans le verre d'eau, qui est probablement devant vous dans votre studio, dans également la nourriture que vous avez mangée, dans la petite petite plaie et le pansement parce que vous êtes coupé ce matin en vous rasant la barbe, etc. Dans chaque pierre, objet qui nous entoure, eh bien, il y a une partie d'énergie. Alors, on peut qualifier ça, on peut le regarder avec un regard qui est celui de l'animisme. On peut le regarder aussi avec l'idée d'une fragmentation d'une force unique venant d'un dieu unique et créateur dans un contexte qui est monothéiste et où chacun des vaudounes, c'est-à-dire chacune de ces petites émanations de cette grande énergie d'origine, eh bien, est un peu l'équivalent d'un saint pour nous dans le catholicisme romain. Et c'est en effet dans les églises, on va vers un saint pour lui demander une guérison, une intercession, une réussite à un examen ou un mariage heureux. Mais c'est un peu la même chose dans le vaudou. Philippe Charlier, il y a le dieu de la foudre, du feu. Il y a aussi Zakpata, le dieu de la terre auquel vous êtes désormais lié. Oui, moi, quand j'ai été initié, j'étais consacré à Zakpata, qui est le dieu de la terre rouge, hein, la latérite, qui est très très présente au Bénin. C'est également le dieu des épidémies, et notamment des maladies de peau. Alors, il est très très proche de la communauté des médecins. Étant moi-même médecin, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles cette divinité, soit m'a choisi, soit que ceux qui ont décidé de m'initier m'ont consacré à cette divinité-là. C'est une divinité très très particulière qui n'est pas facile, qui n'est pas évidente. On doit se mettre pieds nus, évidemment, pour être le plus en contact physique avec elle. Et puis, ses adeptes sont particuliers. Dans les hauts grades, par exemple, on danse cette divinité avec des sauts qui défient complètement la pesanteur et qui sont à la limite presque du surnaturel. C'est à 145 km de Cotonou, dans la province du Zou, que votre initiation commence. Vous voilà dans une courette devant un prêtre, un devin, face à son matériel de Bokonoun. De Bokonon, oui, de Bokonon. C'est un devin. Alors, avant d'être initié à une divinité, on va devoir franchir évidemment beaucoup d'étapes. C'est un très très long processus. Et avant, on doit déterminer votre signe fa. Et le Bokonon, il est là pour déterminer le signe fa, c'est-à-dire le signe dans ce système divinatoire qui est extérieur au vaudou, mais qui a été incorporé au vaudou, comme il est d'ailleurs incorporé à d'autres religions, comme par exemple l'islam du Sahara. Eh bien, on va vous retrouver quel est votre signe, quel est votre chiffre, quels sont vos interdits, notamment alimentaires, mais aussi en comportement, et quelles sont vos obligations. Donc, un soir, après des offrandes préalables, un discours, des échanges, des palabres, tout simplement, et puis un début d'enseignement et de transmission d'informations, eh bien, on m'a donné plusieurs graines et puis des petits éléments naturels à mettre sous mon oreiller. J'ai dû dormir dessus. Mes rêves et donc toute mon existence présent et passé sont venus se fixer dans ces graines. Et le lendemain, je suis retourné voir le Bokonon qui, après de nouveaux sacrifices, a révélé à travers cette petite partie de moi que j'avais laissée dans ces éléments naturels, quelle était ma vérité, quel était mon signe et du coup, quels étaient mes interdits. On ne donne pas son signe normalement parce qu'évidemment, c'est donner une faiblesse. Comme on a des interdits, si jamais quelqu'un nous donne quelque chose qui nous est interdit, forcément, il risque de nous blesser sur le plan soit physique, soit spirituel. Votre signe, Philippe Charlier, ne pouvait être que très bon. Toutefois, ce que nous ne pouvions soupçonner, c'est cette face lugubre qui est en vous. Une seconde cérémonie d'exécration se déroule alors. Quel est l'objectif ? Faire mourir cette part néfaste, une sorte de première mort ? Je sais pas si c'est faire mourir cette part néfaste, mais en tout cas, c'est vrai qu'au moment de l'initiation au vaudou, une partie de nous-mêmes meurt. Alors, soit c'est notre ancienne existence, celle du non-initié, celle du profane, soit ce sont, des sortes de scories, pour prendre une métaphore très paléo-métallurgiste, ou alors c'est une petite partie des impuretés, tout simplement, dont on doit se débarrasser pour aller vers le chemin du bon. Du meilleur, en tout cas pour renaître différemment. En tout cas, je peux vous dire que oui, c'est assez particulier quand même d'être enterré, d'être dans un linceul blanc, d'être couvert, d'être aveugle, et puis ensuite de rejaillir sous une forme différente. Et même assister soi-même à ses propres funérailles, déposer soi-même son simulacre de cadavre au pied d'un grand arbre dans la forêt, en pleine nuit à la lumière des torches, c'est quelque chose, et on comprend en quoi cette manœuvre initiatique et ce rite de passage et d'élévation est quand même extrêmement marquant. Et c'est vrai que ça change un homme. Et à partir du moment où cet homme est changé, ou cette femme bien sûr, eh bien il est fatalement différent. Il y a toujours une part de ségrégation dans l'initiation. C'est un moment visiblement assez dur pour vous, entre la faim, le noir, la chaleur. Oui, ce sont des épreuves. Vous avez l'épreuve de la mort, vous avez l'épreuve du feu, l'épreuve de l'eau. Vous avez vraiment des épreuves qui vous sont données. Et à chaque épreuve correspond à un enseignement, correspond des paroles qui vous sont apprises, qui correspondent des hiérarchies, des généalogies, des interdits, des connaissances. C'est vraiment une sorte d'apprentissage qui se fait autant par le ressenti que par la transmission de la parole donnée. Donc c'est un enseignement qui est complet et qui laisse une trace sur le corps. Enfin, moi-même, j'ai encore sur mon corps la trace de cette initiation reçue et qui sert d'ailleurs de... C'est pas un memento mori, même si je suis mort symboliquement, mais c'est en tout cas un memento tout court, oui. Sur la scapula gauche, l'épaule gauche. Et quelle est la part de la sorcellerie, oui, de la magie, de la divination? Suzanne Preston-Blier en donne une réponse. Ce sont des éléments qui sont tout aussi importants que les grands arbres, les sources, la maladie, la maternité, les ancêtres? Oui, la divination, elle est partout. Avant d'entreprendre quoi que ce soit, avant de faire un voyage, avant de prendre un bon repas, d'inviter quelqu'un chez soi, ou de prendre la décision de l'inviter, avant un examen, un rendez-vous, vraiment pour tout, absolument tout, on va voir le bokonon pour tirer le fa, c'est-à-dire savoir par la divination si ça va être bénéfique ou pas et comment infléchir un tout petit peu cette courbe du destin. Et puis on va également faire une offrande, se concilier la faveur des dieux, et évidemment on choisit, on va vers telle divinité, on va vers Ephioso par exemple quand il s'agit d'aller faire un voyage, d'aller dans l'air, et donc on va s'intéresser à cette divinité qui est très aérienne, qui est celle des cieux. On va vers Gou par exemple quand il s'agit de prendre la voiture, parce que c'est la divinité du métal et notamment du fer, et donc pour se protéger on va consacrer une petite bague en fer qu'on va poser sur l'autel de Gou, et qu'ensuite on mettra soit dans sa selle de moto, soit à ses doigts quand on va faire de la moto ou de la voiture. Donc c'est pas une crainte du lendemain, c'est pas une crainte de l'adversité, c'est essayer de se concilier ces divinités pour que la totalité de notre séjour sur Terre se passe au mieux. Et évidemment, tout ça laisse une trace. Peut-on faire un lien avec l'Antiquité grecque ou romaine? Oui, vraiment. Totalement. Quand on est dans un temple vaudou, par exemple, quand on est au pied d'arbres sacrés, de bois sacrés, qu'on appelle d'ailleurs les forêts sacrées, quand on est devant un autel vaudou, moi j'ai vraiment l'impression d'être face à, et j'espère ne me choquer aucune oreille d'héléniste ou de latiniste, mais j'ai l'impression d'être face à un autel de l'antiquité gréco-romaine ou étrusque. C'est-à-dire que ce qu'on voit maintenant au musée du Louvre, de Saint-Germain-en-Laye ou d'ailleurs, avec des autels en marbre impeccables, très bien, très propres, très blancs d'ailleurs, ayant perdu toute leur couleurs des pigments de peinture, eh bien on les voit également, malheureusement, sans tout ce sang qui était versé, cette huile, ce beurre, tout ce lait, etc. Les sacrifices qui sont partie prenante du vaudou, parce qu'il faut consacrer, il faut donner cette énergie en la prenant à un animal et en la donnant ensuite au fétiche ou à l'humain, eh bien, donc l'initié, l'individu qui est membre de la communauté, eh bien, toutes ces offrandes-là, il faut vraiment les imaginer sur les autels romains, grecs, de la même façon. Moi, j'ai vraiment... C'est pas du tout une façon de dire que le vaudou est quelque chose d'archaïque ou de passéiste. Absolument pas. C'est un simple parallèle qui s'établit à partir de faits et gestes qui sont absolument similaires, absolument superposables. J'ai vraiment parfois l'impression de voyager dans le temps, alors de façon pragmatique, de façon scientifique bien entendu, mais j'aimerais bien, maintenant quand je vais dans un musée archéologique ou historique, je vois ce sang, j'imagine ces autels en pleine activité, avec en train de fumer, en train de dégouliner un petit peu de partout, des vrais autels en fonction. Les palais d'Abomey sont une ville dans la ville, tout à la fois lieu de résidence royale, mais aussi lieu de culte. Vous y entreprenez des fouilles ? Oui, les palais d'Abomey sont à la fois des lieux historiques classés au patrimoine mondial de l'UNESCO et dans lesquels se déroulent quotidiennement des cérémonies vaudou. Donc on est à la fois sur un pouvoir qui est spirituel, mais aussi un pouvoir temporel. Les rois d'Abomey sont des rois territoriaux, tout le plateau d'Abomey, mais également ils ont un pouvoir qui est celui du vaudou. Ils s'entourent beaucoup d'objets sacrés. Ce qui signifie que quand on fait des fouilles archéologiques, comme je le fais avec Didier Enda, par exemple, sous l'autorité d'Alain Godenou, dans les palais royaux d'Abomey, ce sont des fouilles françaises à l'étranger qui sont supportées par le ministère des Affaires étrangères, on est mélangé, si on peut dire, on arrive au même moment que des cérémonies, que des actions qui sont à la fois politiques et religieuses. Et c'est vrai que partout dans ces palais, il y a des restes archéologiques qui sont des restes très ténus d'anciennes offrandes vaudou et parfois d'offrandes extrêmement récentes. Philippe Charlier, votre initiation était-elle l'indispensable préalable, le sésame pour entreprendre donc des fouilles en terre sacrée? Je pense que c'était un préalable à titre personnel dans ma démarche, je dirais pas spirituelle, mais en tout cas dans ma démarche de compréhension de ces phénomènes. En revanche, ça n'est absolument pas quelque chose qui m'a été demandé de façon préalable à l'obtention du permis de fouille ou de travail. Absolument pas. Je reste un scientifique et un cartésien pur et dur, mais ça me permet de vraiment d'abord satisfaire ma curiosité personnelle et sincère vis-à-vis de cette religion qui me passionne et vers laquelle j'ai vraiment envie d'en savoir de plus en plus, campagne archéologique, après initiation, après société secrète, etc. Mais en plus, ça me permet de mieux interpréter certains faits archéologiques et certains dépôts d'offrandes ou autres, ne serait-ce que pour la taille justement, des courries, qu'est-ce que vous avez trouvé ces petits coquillages. En 30 secondes, qu'est-ce que vous avez trouvé, Philippe Charlier? Nous, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est sur les seuils des portes de passage des palais, les offrandes pour purifier le visiteur, ne pas qu'il apporte une malédiction, quelque chose de négatif vers le roi, et quand il part de la cour et qu'il se redirige vers le monde profane en sortant du palais, eh bien qu'il n'emporte pas une petite parcelle du caractère sacré du roi. Eh bien tout ceci, ce sont des traces, des libations sur le seuil des portes, à l'intérieur, à l'extérieur, des dépôts de kauri, par exemple, ces petits coquillages, de céramique, dont on peut trouver la trace et qui nous montre la pérennité et l'ancienneté de ce rituel, mais aussi son évolution. Ça, c'est vraiment une archéologie du surnaturel. En France, nous avons aussi des mages. Je vous propose donc d'écouter une belle archive de l'émission. Dominique Joly, nous comptant ses découvertes magiques à Chartres. Le 20 juillet 2005, par hasard, de mes collègues Frédéric Dupont, Caroline de Frutos voient une coupe avec des tessons qui sortent de la coupe à 3 mètres de profondeur. Ils descendent en prenant des précautions pour exhumer ces tessons. Ils les rapportent au service archéologie, me les montrent et sur l'un des tessons, je vois une phrase avec un verbe, un sujet, un complément en latin. Et je dis, mais d'où vient ce tesson? Il n'est pas tout seul, il y a une cassure. Et ils me disent, la coupe dans laquelle on l'a relevé, elle va être recouverte par le béton à 2 heures. Il était 12h30. J'ai dit, on y retourne tout de suite, et je suis descendu dans le trou. Et c'est là que j'ai sorti le turibulum inscrit de Caius Verius Sedatus, qui a été le point fort de cette étude, de cette fouille. Mais il n'était pas tout seul, ce turibulum. Turibulum, c'est brûlant sang, en latin. On en connaît des non-inscrits, beaucoup de non-inscrits. Celui-là est inscrit et il était accompagné. En fait, il a été déposé dans une cachette, dans une cave ou plutôt une petite soupente, un petit cellier enterré à 1,30 m de profondeur sous le sol d'une maison, dans une cachette constituée de coffres en bois avec une quinzaine de vases entiers, 2 lampes à huile, un couteau en fer, de la vaisselle en verre, des déchets, des os animaux coupés et tout ça a brûlé. Il y avait aussi 3 vases décorés de serpents, des petits serpents qui, sur le long du vase, viennent poser délicatement leur tête sur le bord du vase. La maison a brûlé, le plancher s'est effondré sur le contenu de la cave et personne n'est allé rechercher les objets contenus dans la cave. L'étude minutieuse de la répartition des objets entre eux, la place des ferronneries qui maintenaient les coffres, la serrure, les charnières en os qui articulaient les portes pouvant s'ouvrir à double battant, nous permet d'être certain que tout ça est contemporain. C'est le même dépôt recouvert de la même couche d'incendie et ce sont les objets d'un magicien qui avait pratiqué des rites interdits, puisque la magie était interdite, et qui avait rangé, caché ces objets dans ce petit cellier de cette maison. Ce qui est fabuleux, c'est que le turibulum inscrit, et il y en avait peut-être 2, voire 3, nous explique de qui il s'agissait. Il s'agit de Caius Verius Sedatus. Alors, s'il a les trois noms latins, c'est un citoyen romain. Hein, il a les trois noms. Il est, dans cette phrase, il est désigné comme le gardien des divinités toutes puissantes. Alors, est-ce que c'est lui qui a inscrit l'inscription ou est-ce que c'est lui qui a commandé l'inscription? Mais la formule dit Vos rogo omnipotentia numina ut omnia bona conferatis. Je vous demande à vous, toutes les puissances, les toutes puissances divines, de donner à Caius Verius Sedatus tous les biens. Quia ille est vester custos, parce que celui-ci est votre gardien. Donc, il est désigné dans la formule comme étant le gardien des divinités toutes puissantes. C'est donc une formule magique bénéfique. Et c'est ça qui fait l'unicité de cette découverte, qui d'ailleurs nous désole un peu, parce que comme c'est unique, on n'a pas d'élément de comparaison. C'est daté de la fin du 1er siècle, on a la panoplie complète d'un magicien qui invoquait les dieux à des fins bénéfiques, alors que d'habitude c'est plutôt à des fins maléfiques, et on a ce texte qui désigne Caius Verius Sedatus. Justement, Caius Verius Sedatus, c'est son vrai métier d'être magicien? Alors, ou il fait ça en plus? Alors je pense qu'il doit faire ça en plus, parce que c'est dans la cachette est dans une domus, donc c'est une maison d'un patricien, c'est une maison de quelqu'un de fortuné, ça doit être quelqu'un qui... il y a tout au sud, il y a un petit sanctuaire qui n'est pas en relation stratigraphique avec la cachette, mais qui pourrait, dans lequel Caius Verius Sedatus a pu officier, ça on n'en aura jamais la preuve, et il a sans doute une autre fonction, parce qu'on n'était pas magicien, sorcier, à temps plein à cette époque-là. C'était sans doute qu'il avait sans doute d'autres fonctions et d'autres responsabilités. Alors, vous l'avez dit, Dominique Joly, on est en pleine magie blanche, donc vous connaissez les formules magiques? Ah oui, les formules magiques, mais faut-il les présenter maintenant? Parce que pour partie quand même. Pour partie. L'émission semble bien se passer. Alors, Echar, Aa, Bru, Stna, Bros, Dru, Kor, Drax, Kos. Voilà, il y a 9 mots qu'on pouvait imaginer être prononcés avec force en direction des 4 points cardinaux, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est qu'en haut du turibulum, du brûlant-sang, il y a les 4 points cardinaux. Il y a Oriens, Occidens, opposé, Septentrio, Méridier, donc le Nord, le Sud, l'Orient, l'Occident. Comme il y avait sans doute au moins 2 turibula, un turibulum, des turibula, on peut imaginer qu'il les avait placés à 2 directions opposées. Et s'il y en avait 4, parce qu'on a trouvé les fragments de peut-être un troisième, et il faut rappeler aussi que la cave a été coupée par l'appel mécanique, donc on a perdu une partie de son contenu. On peut supposer qu'il y avait 4 turibula, qu'il les avait placés aux 4 directions, et que le magicien, habillé tout en blanc, les mains tournées vers le ciel, a prononcé fortement les mots « Echar, Aha, Bru, Bros, Kna », etc. Et il a appelé les divinités toutes puissantes à apporter les bienfaits à Caius Verius Sedatus. Et puis pour calmer ensuite les divinités, il a prononcé les 2 autres formules magiques qui sont sur le pied du vase. Alce medme, alce alar, alce medme, alce alar. Plus doucement, pour calmer les divinités. On peut l'imaginer, parce qu'on a des éléments de comparaison, mais on ne saura jamais ce qui s'est vraiment passé. L'été dernier, rue des Grandes Filles Dieu, le nom est très joli, vous fouillez un quartier de potiers gallo-romains, au fond d'un fossé bordant la chaussée, un objet extraordinaire, alors, même deux, oui, et complémentaire. C'est complémentaire. Ça qui, c'est, ça qui c'est une fouille fou de mon collègue Jérémy Viré. Cet objet a été identifié grâce aussi à la sagacité de mes deux collègues, Marjorie Marcadaroland, elle est restauratrice au service archéologie, et Stéphane a vu un objet en plomb replié sur lui-même, et il a dit ça ressemble à une plaquette de défiction. Qu'est-ce que c'est? Et on ne trouve que ce que l'on cherche en archéologie, voilà, ça c'est on absolument que ce un que grand cherche, classique aussi. Et on cherche ce que l'on connaît. Comme Stéphane avait une idée de ce que pouvaient être les plaquettes de défiction, il a demandé à Marjorie de déplier le plomb. Ça s'est pas trop mal passé, parce que le plomb était encore ductile, il pouvait se déplier facilement. Et à l'intérieur des deux plaquettes, qui font 5 ou 6 cm de long, c'est tout petit, on a trouvé donc les deux plaquettes apposées l'une contre l'autre, contenaient des textes inscrits. Les deux textes étaient repliés l'un contre l'autre, et un texte avec un texte en langue latine, en cursive latine, mais qui n'était pas compréhensible, c'est pas du latin. Alors il faut peut-être rappeler que ce que l'on appelle la défixio ne se pratique absolument pas chez les Celtes, hein, mais elle est pratiquée grosso modo entre l'Égypte et l'Atlantique, et que c'est une vraie pratique typiquement romaine, c'est oui, bien ça hein. Oui, c'est ça, oui, qui vient d'Égypte, qui vient de... Et les formules magiques les plus anciennes sont inscrites dans les papyrus égyptiens, effectivement, transitent par la Grèce, et certaines formules se retrouvent. Abracadabra vient de là, par exemple. Hein, on a des formules qui ne veulent rien dire dans la langue de l'époque, mais que les dieux, eux, comprennent, comme le cite un texte du 1er siècle après Jésus-Christ, qui dit « Ces formules ne sont comprises que par les dieux que l'on invoque ». Alors, ces fameux textes découverts sur ces tablettes de défixio, ces deux tablettes en plomb, portaient environ 10 lignes écrites en gaulois. Voilà. Ça, c'est une vraie découverte. Ah oui, oui, oui, parce qu'on n'avait pas de texte gaulois à notre époque, jusqu'à présent à Chartres. Et dans ces tablettes. Il y en a très peu en France. Il y en a très peu en France. Donc ça a été étudié par le spécialiste de la langue gauloise, Pierre-Yves Lambert, qui nous révèle qu'on a effectivement 10 lignes sur chaque tablette avec les noms de 14 personnes différentes impliquées dans quelque chose qui reste assez mystérieux jusqu'à présent. Alors de quoi s'agit-il? Oui, vous pourriez à peu près le raconter ou vous savez pas? C'est assez difficile parce qu'il a fallu pour moi aussi et pour mes collègues se plonger dans la lecture de la langue gauloise et que Pierre-Yves Lambert nous explique aussi les précautions qu'il fallait prendre pour traduire certains mots. Il y a ce fameux adjectif qui s'appelle adgarios, qui signifie accusateur, qui a été trouvé sur le fameux plomb de Chamalières, là aussi. Il s'agit de ce qu'on appelle une défiction judiciaire, donc une défiction qui fait appel à un sorcier pour contester les résultats d'un jugement. Et dans le texte, il apparaît qu'il y a un autre sorcier. Il y a un sorcier qui a invoqué le jugement et on fait venir un autre sorcier pour contrer le premier sorcier. Et donc, on a les noms de ces personnages qui sont non pas les tria nomina pour Caius, mais les doués nominés et qui sont donc plus proches d'une terminologie gauloise que d'une terminologie romaine, latine. Et comme le plomb est daté à peu près de la même époque, on voit aussi qu'il y avait des personnes de qualité différente, d'origine différente, encore à la fin du 1er siècle, après Jésus-Christ à Chartres, parce que les deux découvertes sont quasiment contemporaines. C'est une sorte de Harry Potter gaulois, presque, pour entendre dire. En tout cas, là, on est en pleine magie noire. Ah on oui, est là, plus dans la magie blanche. Ah oui, là, c'est de la magie noire, c'est de la magie maléfique, puisqu'on invoque là aussi des puissances contre un groupe d'accusateurs et de témoins, mais on ne sait pas de quoi il s'agit. On ne sait pas de quoi ils ont été témoins. Sur les conseils de Dominique Joly, calmons les dieux, Alcé Megmé, Alcé Alar, Alcé Megmé, Alcé Alar, divinités qui nous ont aidés dans ce direct. Merci Philippe Charlier pour votre livre, Vaudou, l'homme, la nature et les dieux, paru dans la collection Terre humaine chez Plon. Ah, on me fait signe de refaire une nouvelle incantation tranquillisante, Alcé Megmé, Alcé Alar, Alcé Megmé, Alcé Alar. Merci à Vanessa Nadjar qui était à la réalisation de Carbon 14, comme à Clara Gallivel à la technique et Sandrine Chaperon qui veille sur cette émission. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbon 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, place à l'âge du bronze.